savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés. À présent que le but est tout proche, je repense à tout. Vous êtes l'élite des pilotes de l'Empire. Honneur et discipline. 29 appareils sont portés disparus. A-t-on vraiment choisi d'être ici? Je me rappelle les doutes, la peur. Je me rappelle ces heures. À attendre l'ultime assaut. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Kamikaze. Le mot fait floresse, au plus sombre de notre actualité. Le langage courant sollicite de la sorte un terme japonais pour désigner les terroristes qui viennent chez nous et ailleurs semer la mort en se la donnant à eux-mêmes. Ce que semble ratifier le petit Larousse, je le cite, kamikaze, nom masculin, en 1944-1945, pilote japonais volontaire pour écraser son avion chargé d'explosifs sur un objectif. Par extension, personne téméraire qui se sacrifie pour une cause. Voilà bien qui paraît légitimer quelque assimilation historique entre les pilotes japonais d'un côté et les djihadistes meurtriers d'aujourd'hui de l'autre. Et pourtant, il se peut bien qu'il faille, malgré les commodités du vocabulaire, révoquer en doute la validité de ce rapprochement en démontrant l'essentialité d'une différence. J'annonce ainsi les couleurs de l'émission que voici, sans ménager de suspense. Mais il reste à le prouver. Et pour ce faire, nous allons nous transporter vers ce Japon de la Seconde Guerre mondiale finissante qui vit surgir un phénomène peut-être sans pareil. Pierre-François Souiri, professeur d'histoire à l'Université de Genève, ancien directeur de la Maison franco-japonaise à Tokyo, est mon invité ce matin, parce qu'il a consacré récemment, de concert avec Constance Sereni, un livre intitulé sobrement « Kamikaze », un livre qui jette sur ceci une lumière impressionnante. J'ai souhaité vous faire profiter de sa science et de sa sagacité. Mais au moins obligé d'entrer en groupe de kamikazes. Je ne voulais pas d'entrer d'un kamikaze. L'entraînement pour être kamikaze a duré longtemps? Oui. Avant de mon départ, de faire attaquer les vaisseaux américains, on nous a entraînés pendant 6 mois. Et vous saviez pendant 6 mois que vous vous entraîniez à mourir? Oh oui. Vous n'aviez pas de révolte? Oui. Vous étiez révolté? Oui. Mais est-ce que, lorsque vous étiez avec d'autres kamikazes, est-ce que vous montriez que vous avez peur? Oui, bien sûr. Tous les membres de kamikazes avaient peur. On a enfermé une petite chambre, 3 membres de kamikazes. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, on n'a parlé que de peur de mourir. Et alors, vous êtes parti, et qu'est-ce qui s'est passé après? Nous sommes partis, mais il y avait beaucoup de nuages dans le ciel. J'ai pensé que nous ne pourrions pas trouver les vaisseaux américains. De plus, nous n'avions pas d'essence pour rentrer. Donc, il faut rentrer le plus tôt possible. Donc, je me suis décidé à rentrer. J'ai ordonné, mes sirs ont ordonné de rentrer avec 10 avions. Sur 20? Sur 20, oui. Et les 10 autres kamikazes? Dix autres de kamikazes sont tombés dans la mer sans avoir trouvé les vaisseaux américains. Et ils sont morts inutilement. Est-ce que c'est par peur que vous avez donné l'ordre de retour? À vrai dire, comme vous dites, c'est par peur. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à l'aérodrome au retour? J'étais le premier qui sont descendus de l'avion et J'ai couru auprès de notre capitaine pour expliquer la raison de notre lutte. Je disais qu'il y avait trop de nuages pour trouver le vaisseau ennemi. Mais mon capitaine m'a dit, ce n'est pas une raison, venez dans ma chambre. Il a pris le bâton. Je ne me souviens pas combien de que nous sommes reçus par notre capitaine. Et nous avions le vertige. Et le sang coulait de la bouche comme ça. Mais il n'a cessé de nous frapper. Et pendant presque 5 heures, sans arrêt. Est-ce que vous étiez malgré tout content de vivre? Oui, vraiment. Quand même, nous sommes frappés, mais j'étais très content de vivre. Aujourd'hui, quand vous pensez à cette période, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un lâche? Non, mais pas lâche, mais je suis un peu honteux auprès des kamikazes qui sont morts dans la mer, sur la mer. Je ne crois pas, je ne suis pas lâche. C'est parce que le tourner à notre aérodrome, il faut avoir beaucoup de courage. Pierre-François Souéry, bonjour. Bonjour. Je vous ai donné là le témoignage anonyme d'un ancien kamikaze qui a refusé, nous l'avons vu, de se donner la mort, qui est interrogé par Michel Randon sur France Culture le 13 juillet 1970. On est donc à un petit quart de siècle des événements dont il s'agit. J'ai choisi cette archive parce qu'elle me paraît comporter les thèmes que nous allons avoir à traiter, la part de hasard, bien sûr, le mythe du volontariat et peut-être le remords ou le non-remords d'avoir survécu. Oui. Oui, effectivement, le témoignage est très riche. On retrouve tous ces éléments qui font effectivement partie de ce que nous avons essayé de démontrer dans cet ouvrage, à savoir que cette affaire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et que du fait de l'absence de sources directes, puisque la plupart des sources directes ont été détruites au mois d'août 45, on ne peut faire l'histoire des kamikazes que soit en utilisant les sources américaines, soit en recueillant les témoignages. Et les témoignages sont souvent, comme toujours, un peu contradictoires et parsus. Mais dans ce cas, je dois reconnaître que, d'une certaine façon, ce monsieur, dont on ne connaît pas le nom, montre assez bien, finalement, les contradictions dans lesquelles se trouvaient ces jeunes hommes avant de partir. La peur de l'encadrement militaire, la peur de la mort, bien entendu, et puis aussi les techniques de navigation qui font que ils se perdent dans les nuages, et donc soit ils continuent et ils vont tomber en mer, comme ils l'expliquent, ses camarades ont continué, ils sont morts sans avoir vu un bateau américain, soit ils rentrent sur la base, s'ils le peuvent, et dans ce cas-là, il leur arrive ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire ils se font battre à mort, presque, pour certains, puisqu'on sait que certains ont été tués. Lui, il a été battu pendant 5 heures, nous dit-il. C'est quand même l'armée japonaise, faut quand même le dire, était une des armées les plus violentes qui soit contre ses propres troupes, contre ses propres hommes. On voit bien que ses camarades sont morts inutilement. Il y a eu beaucoup d'échecs. Et néanmoins, on relève 35 navires américains qui auraient été coulés et 285 endommagés, avec environ 5000 kamikazes qui seraient morts. Tout cela donne une certaine idée des dimensions de ce phénomène historique. Oui, alors les chiffres sont un petit peu varient, mais enfin, entre 3 et 5000 morts pour un conflit de l'ampleur de la Seconde Guerre mondiale, c'est rien du tout, d'une certaine façon. Et les destructions faites par les pilotes japonais ont été de l'ordre que vous indiquez, c'est-à-dire à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce que, évidemment, les marins américains qui ont subi ces attaques ont subi des traumatismes pour ceux qui ont survécu, parfois très très violents. Plusieurs témoignages montrent la fascination des marins qui voient les avions leur foncer dessus sans pouvoir rien faire. Et ne pas comprendre surtout la logique qui anime l'adversaire, l'ennemi, cette logique de mort. Il ne comprenait pas, par exemple, pourquoi les avions ne passaient pas sur les ponts des navires américains en tirant des rafales de mitrailleuses et se jetaient simplement sur les navires. Il ne savait pas que les kamikazes n'avaient pas de mitrailleuses embarquées parce que ça pesait trop lourd et que d'ailleurs, ils n'avaient pas appris à tirer avec des mitrailleuses dans leur entraînement militaire. Et donc, il y a une sorte d'incompréhension du côté des Américains de ce point de vue-là. Oui, nous allons voir ça de plus près. Bien sûr, il y a deux regards face à face et d'immenses incompréhensions. Mmh. Avant d'aborder très directement notre sujet, je voudrais faire observer que les Japonais d'aujourd'hui, notamment les quelques octogénaires ou nonagénaires qui sont des kamikazes survivants, et même le Premier ministre Abe proteste avec énergie contre le rapprochement qui se fait dans la presse occidentale, ou peut-être seulement en France d'ailleurs, entre les kamikazes à proprement parler, les Japonais et les djihadistes qui viennent se faire sauter en Europe et en France. Oui, alors il faut savoir que d'abord, les Japonais utilisent pas le terme kamikaze pour désigner leurs pilotes. Ils utilisent le terme officiel de l'époque qui était tokotai, donc les troupes d'assaut spéciales. Le terme kamikaze est un nom de code que les Américains ont repris et qui est passé, disons, dans la presse occidentale comme dénomination générale. Qui a une dimension historique. Ça, 13e siècle. Voilà, et même avant, ça signifie vent divin, donc c'est l'idée que les typhons vont se lever pour sauver le Japon, et les typhons, là, en 1945, 44, 45, ce sont ces pilotes. On nous dit que c'est en 1280 que la flotte du Mongol Kubilai Khan aurait été arrêté par un vent favorable et que par conséquent les Japonais auraient parlé de vent divin. Voilà, c'est un vieux concept qu'on retrouve dans les chroniques impériales du 8e siècle où les empereurs japonais vont prier pour que se lèvent des vents divins pour disperser les armées de leurs ennemis. Donc c'est une vieille idée qui a été reprise mais comme un simple nom de code. C'est le mot qu'utilisaient les Américains et qui est finalement passé en Occident. Mais pour revenir à la question, les autorités japonaises, les Japonais d'une façon générale, ne désignent pas donc ces terroristes actuels sous le mot de kamikaze. Et le Premier ministre Abe, venant à l'occasion de la COP21, a explicitement dit qu'il s'indignait de ce rapprochement. Voilà, il s'indigne de cette dénomination. Les Coréens et les Chinois, d'ailleurs, ne désignent jamais les terroristes du Moyen-Orient sous le terme de kamikaze. Et les Américains le font très très peu, à vrai dire. Ils parlent plutôt de suicide killers ou de suicide bombers, mais très rarement de kamikaze. C'est une particularité des médias, on va dire, des médias français, francophones, qui utilisent ce terme sans aucune distance, effectivement. Et pourquoi ? Probablement parce qu'il sonne bien à l'oreille et qu'il y a effectivement une sorte de... On peut faire des rapprochements entre les pilotes japonais et les djihadistes, mais quand on regarde les choses un peu plus près, on voit quand même il y a un certain nombre de différences qui sautent aux yeux et qui surtout ne permettent pas de comprendre quand on explique qu'un djihadiste est un kamikaze, ça n'aide pas à comprendre la réalité du phénomène, ni la réalité du phénomène historique japonais, ni la réalité du phénomène actuel. Nous allons le démontrer chemin faisant, Pierre-François Souiri. Est-ce que l'idée de mort volontaire date vraiment de 1944-1945? Parce que je lis qu'il y a des précédents, peut-être du côté des samouraïs, même si c'est très différent, et peut-être plus loin en arrière. Oui, alors il y a évidemment une tradition de la mort volontaire au Japon qui remonte à très très loin, qui a été magnifiée par la tradition littéraire. Mais là, dans le cas des kamikazes japonais, des pilotes japonais, la chose est un peu différente parce que ce sont des gens qui font partie, donc qui sont conscrits, qui ont été mobilisés dans le cadre de cette guerre. Ce sont donc des jeunes, des soldats. Et ils obéissent aux ordres. Mais c'était déjà le cas lors de la prise de Port Arthur au moment de la célèbre guerre russo-japonaise, qui est la stupéfaction de l'Occident, a vu la victoire du Japon sur l'Empire tsariste. Oui, alors à cette époque-là. Port Arthur. Oui, à cette époque-là, déjà, on avait assisté à quelques effets de gloire de la part de certains combattants japonais. Ces choses-là avaient été montées en épingle, en quelque sorte, par la propagande de l'époque. Les escouades à l'écharpe blanche. Voilà, les escouades à l'écharpe blanche, qui partaient donc à l'assaut des tranchées russes. Des balles humaines, on avait évoqué des balles humaines. La littérature l'avait ensuite magnifié. Oui, tout à fait. Donc il y a eu des exploits de soldats ou de jeunes officiers qui se sont effectivement distinguer à ce moment-là. Et puis il y a l'affaire des trois héros transformés en béliers humains en 1932 à Shanghai. Oui. C'est une mythologie intéressante parce que la réalité est très différente de la manière dont la propagande oui, l'a fait connaître. Que on a effectivement monté, là encore, en épingle, un fait de guerre qui ne s'est pas passé du tout comme on veut bien le raconter. Hein. Ce sont donc trois jeunes hommes qui ont porté donc une bombe dans un tuyau en bambou pour faire sauter donc la défense des troupes chinoises et qui dont se serait fait sauter avec de façon à permettre à l'armée japonaise d'avancer. Or, dans la réalité, en fait, la perche en bambou qui permettait de faire avancer les explosifs était trop courte. Incident technique. Exploitation médiatique. Tout simplement, c'est un accident, en quelque sorte, qui a été ensuite monté en épingle par la propagande militaire pour en faire des sortes de demi-dieux. Alors, leur famille a été récompensée, enfin, leurs âmes ont été vénérées au temple Yasukuni. Et il y a toute une série comme ça de légendes qui circulaient dans le Japon d'avant-guerre, relatives donc soit aux exploits de certains soldats pendant la guerre russo-japonaise, soit plus récemment la guerre en Chine, qui tendent à mettre en avant ces comportements en quelque sorte suicidaires de soldats qui vont mourir délibérément pour tracer le chemin de leurs camarades qui sont derrière eux. Donc ce type de légende militaire se répand dans le Japon de façon assez... Mais je pense que ça existait aussi dans d'autres armées, c'est pas une particularité japonaise. Sauf que quand on sait ce qui s'est passé par la suite, évidemment ces épisodes prennent tout autre relief. On pense un peu à la fameuse charge de la brigade légère au moment de la guerre de Crimée, qui est une sorte de suicide... collectif, avec démonstration patriotique. Oui, c'est des phénomènes assez semblables. Simplement, la charge de la brigade légère, puisqu'on en parle, c'est dans l'action que les choses se sont passées ainsi. C'est pas un projet délibérément réfléchi d'envoyer les hommes à la mort. C'est en quelque sorte dans le courant de la bataille que certains ont décidé de se sacrifier en quelque sorte. Alors il est temps que nous en venions aux kamikazes de 1944-1945. Et pour ouvrir ce moment de notre conversation, Pierre-François Souiri, c'est une archive japonaise authentique de 1944. Oui, c'est un hymne non officiel de la marine impériale et par voie de conséquence des kamikazes. Il nous dit quoi ? Bah, qui dit en gros, si je pars en mer, je mourrai et mon corps sera mouillé par les flots. Et si je pars en montagne, je mourrai et sur mon corps poussera de l'herbe. Et si je meurs pour l'empereur, je ne regretterai rien. C'est terrible. C'est terrible. Alors comment est née cette idée de... des pilotes qu'on va lancer sur la marine de l'adversaire, des Américains. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que il y a eu des incidents au cours de la Seconde Guerre mondiale, et pas uniquement sur le front du Pacifique, au cours desquels des pilotes ont décidé de jeter leur avion sur un autre avion pendant des combats aériens ou sur un bateau, parce qu'ils savaient que leur appareil était détruit ou à moitié détruit, qu'ils n'avaient plus les moyens de retourner sur leur base. Et donc, plutôt que de mourir dans les flots, dans la mer, ils décident donc de se jeter. Alors, on a eu des exemples, notamment des exemples d'ailleurs de pilotes américains qui ont fait ça sur des bateaux japonais également. Mais ce sont des conduites militaires qui sont le fruit d'une sorte de désespoir et d'un choix du pilote individuel, non programmé, parce que l'appareil est affaibli. Dans le cadre de ce qui se passe au Japon, on est dans un système un petit peu différent, c'est-à-dire que les forces de l'aéronavale japonaise avaient été décimées au cours de la bataille des îles Mariannes en juin 44, et quelques mois plus tard, lorsque les Américains cherchent à débarquer aux Philippines, ce qui va être la bataille de Leyte, Les Japonais n'ont pratiquement plus de forces aéronavales à leur opposer. Alors ils ont cette idée qui germe dans l'état-major au cours de l'été, puisqu'ils ont très peu d'avions, de provoquer le maximum de pertes de l'ennemi en jetant les avions sur les bâtiments américains. Et alors là, je ne sais pas si c'est, il faut parler de chance ou de malchance, mais l'un des appareils, lors de la première mission de kamikaze, donc le 25 octobre 1944, percute donc le porte-avions Saint-Lô, le porte-avions américain Saint-Lô, et le hasard fait qu'il touche la soute aux munitions et que le porte-avions explose et va couler en quelques minutes. Donc démonstration d'efficacité sur un bateau qui s'appelait Saint-Lô à cause du débarquement américain en Normandie. Bien sûr, il avait été rebaptisé Saint-Lô à cause, bien sûr, de la prise de cette ville en Normandie lors de la bataille de Normandie. Il y a une légende qui veut que quand on rebaptise un bateau, c'est un risque très périlleux. Oui, ça risque de provoquer le sort de mauvaise façon. Certains officiers supérieurs du bateau refusaient d'y servir parce que justement, on avait changé de nom. Ce bateau s'appelait le Midway. Ça leur a sauvé la vie. Mais ce bateau a coulé. Mais alors, du coup, là, les Japonais ont eu l'impression que cette tactique militaire, finalement, avait une efficacité redoutable. Et par ailleurs, les rapports qu'ils ont reçus dans les jours qui ont suivi ont confirmé, à tort d'ailleurs, qu'un grand nombre de bâtiments américains avaient été détruits par ces pilotes. Alors, à partir de là, un fait qui devait être un fait unique, ou en tout cas uniquement lié à cette bataille de Leyte, va devenir une sorte de tactique systématique utilisée par l'état-major de la marine impériale et de l'armée de terre contre les bâtiments américains. Le premier kamikaze est connu, c'est Seki Yukio. Il est assez représentatif d'ailleurs de ceux qui suivront. Oui, alors Seki Yukio est un jeune officier, un lieutenant de l'armée de l'aéronavale japonaise, qui a fait donc ses classes, qui est considéré comme un des meilleurs pilotes de l'armée. Étudiant en histoire qu'on a contraint à devenir officier, oui. Et donc il devient l'un des meilleurs pilotes et donc on s'adresse à lui pour former donc une escouade qui va se jeter sur les porte-avions américains. C'est Seki Yukio et alors on n'a à vrai dire aucune source directe sur le pourquoi de l'engagement de Seki Yukio, mais peut-être on peut revenir sur cet aspect-là parce que ça me paraît très important. En fait, on a trois témoignages très différents de ce qui s'est passé. Le premier, c'est un témoignage d'officiers japonais qui sont des adjoints de Onishi Takijiro, qui est le père des kamikazes, celui qui a mis au point cette tactique. Un grand brutal. Qui était d'ailleurs un très bon officier, mais bon. Et donc ces officiers participent à un ouvrage dans les années 1950, qui sera d'abord publié en anglais, puis en japonais, dans lequel ils expliquent que lorsqu'on annonce donc à Seki Yukio qu'il va être le premier à partir dans le cadre de ces nouvelles opérations de spéciales, d'attaque spéciale, Seki Yukio aurait répondu « Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir, mais finalement, il accepte assez vite et il est très heureux de cet ordre qui lui est donné. » Ça, c'est la version officielle, d'une certaine façon. On a d'autres versions qui sont beaucoup plus contradictoires, notamment celle d'un journaliste japonais qui était sur la base à ce moment-là et qui raconte comment Seki Yukio est en fait furieux parce que lui, il est capable de détruire un porte-avions américain sans avoir à se jeter dessus. Il est capable de larguer une bombe, dit-il, sur le porte-avions américain. Et il ajoute, si on en est arrivé à sacrifier les meilleurs pilotes pour essayer de continuer le combat de cette manière, alors ça veut dire que le Japon est foutu. Voici les paroles qu'on lui attribue. Monsieur le journaliste, le Japon est foutu. Le Japon est foutu s'il fait tuer des pilotes d'élite comme moi. Je suis parfaitement capable d'envoyer une bombe de 500 kilos sur le pont d'envoi d'un porte-avions sans avoir besoin de m'écraser dessus. Je n'y vais pas pour l'empereur ni pour l'empire du Japon. Moi, j'y vais pour celle que j'aime, le plus au monde, pour ma femme. Je n'y peux rien, ce sont les ordres. Si le Japon perd, ma femme risque de se faire violer par les Amerlocs. C'est pour la protéger que je vais mourir. Mourir pour sa bien-aimée, alors c'est pas superbe ça ? Fin de citation. Ironie. sincérité. Oui, alors ce texte, alors là aussi c'est un témoignage qui n'a pas été publié immédiatement, bien entendu, la censure l'aurait pas toléré, mais qui a été publié par le journaliste en question dans les années 1950 et qui renvoie à une autre manière de voir le phénomène. C'est-à-dire que d'après le témoignage précédent que j'ai cité, les pilotes sont volontaires et heureux de participer au combat final. Dans le second, on voit bien qu'il y a une hésitation, il y a un doute, il y a une forme de critique aussi, des ordres qui sont stupides. Et par ailleurs, nulle part il est indiqué que Seki Yukio, qui va devenir un héros lui aussi, est prêt à mourir pour l'empereur. Il dit même le contraire. Il dit « je suis prêt à mourir parce que j'aime ma femme, je défends ma femme ». En fait, c'est du patriotisme au sens strict du terme. Et non pas de l'idéologie militariste comme on pourrait s'y attendre. Donc là, il y a deux manières de voir l'événement qui, évidemment, renvoie à deux mémoires de la guerre dans la société japonaise elle-même, après 1945. Nous allons y venir, mais auparavant, je voudrais que nous comprenions mieux comment on fabrique, si je puis dire, les kamikazes. Ah, alors là, c'est une vaste question, parce que d'abord, il faut savoir qu'il y a, dans le Japon, les années 30, un endoctrinement dans le cadre de l'école primaire. Les manuels. Des manuels scolaires d'histoire, qui est tout à fait évident, avec... On monte en épingle un certain nombre de comportements dans l'histoire japonaise de guerriers ou de serviteurs, de ministres divers qui ont été jusqu'au bout en quelque sorte de leur action. Ce qui ressort de ces histoires, c'est que ce qui est important, c'est pas de gagner, ce qui est important, c'est de bien mourir. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important pour comprendre pourquoi les kamikazes eux-mêmes se sont mis dans cet état d'esprit. C'est pas... Finalement, les kamikazes savent qu'ils ne vont pas gagner cette guerre. Mais... D'une certaine façon, on veut impressionner l'ennemi. Peut-être que certains imaginent que les Américains terrorisés vont faire une paix de compromis. Mais on veut, en quelque sorte, en finir en beauté. C'est ce qui revient dans beaucoup de textes qui ont été écrits à cette époque-là. Mourir en beauté. Et ça, c'est quelque chose qui est sans doute lié à une manière de se représenter l'histoire telle qu'elle apparaît dans les manuels scolaires. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand même, on le sait aussi, l'armée japonaise était extrêmement violente avec ses troupes. Elle les terrorisait, il n'y a pas d'autre mot. On l'a vu avec la violence qui a accueilli le retour tout à l'heure du kamikaze qui n'était pas allé jusqu'au bout. Voilà. Il se fait donc littéralement tabasser pendant 5 heures par ses supérieurs hiérarchiques. On lui casse toutes les dents. Voilà. Et donc, ce type de comportement était assez fréquent dans l'armée japonaise à cette époque-là. Donc, il faut bien imaginer quand même qu'il y avait une forme de terreur contre les récalcitrants. Et par ailleurs, comme dans toutes les armées du monde, il y a une pression du groupe, il y a une pression de la hiérarchie, il y a une solidarité avec les camarades. Parfois aussi, peut-être aussi, une forme d'adhésion à cette idéologie nationaliste, bien entendu. Certains croient sincèrement qu'il est important de mourir pour la défense de la patrie, la défense du système impérial. Donc il y a une forme de dévouement. Pour l'ensemble de la nation, en quelque sorte. Il se dévoue, il se sacrifie pour la nation. Il sent qu'il y ait vraiment une fascination pour la mort. Il n'aurait pas souscrit, par exemple, aux propos de Mohamed Merah, le djihadiste que nous connaissons, qui aurait dit « Moi, j'aime la mort comme vous aimez la vie ». Les kamikazes japonais n'aimaient pas la mort. Je pense qu'ils étaient... ils n'avaient guère le choix. Alors après, ils se cherchent des excuses. Ils essaient de comprendre pourquoi ils sont... dans cette situation, ils se cherchent des motifs, ne serait-ce que pour s'encourager eux-mêmes. Mais leurs motivations, on le voit bien dans leurs lettres, sont très diverses les unes des autres. Et souvent, ils sont dans une... Moi, j'ai dit dans le livre qu'ils étaient un petit peu comme dans les couloirs de la mort. Parce que entre le moment où ils reçoivent l'ordre de faire partie de ces troupes d'attaque et le moment où ils partent réellement, ils s'envolent réellement dans leur avion, ils peuvent se passer 3 semaines, un mois et demi, et ils attendent sans avoir rien à faire en quelque sorte, sinon à écrire des lettres qui vont être évidemment rassemblées par la censure et diffusées. Eh bien voici une que je vous propose, c'est celle d'un kamikaze de 22 ans à son père avant son départ. Il s'appelle Teruo Yuraguchi. Et il est diplômé de l'université de Tokyo. Mon cher père, je suis navré de terminer ma vie sans avoir pu faire la moindre chose pour vous. J'aurais aimé vous témoigner ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai été versé dans un corps spécial et je viens d'apprendre que je pars bientôt pour Okinawa. Tout arrive brutalement, mais, en bon nippon, je veux accomplir mon devoir jusqu'au bout et j'espère pouvoir remporter une victoire. Cependant, je ressens une nostalgie. Je ne peux éviter de penser à notre pays magnifique. Je sais que j'y suis attachée et j'ai peur que ce soit une faiblesse. Je revois en permanence votre visage, mon père, ceux de mes amis que j'ai laissés là-bas près de vous et celui de ma défunte mère. Je n'ai pas un bon jugement de la vie militaire. Il faut y être trop résigné et l'on doit abandonner sa personnalité. Aussi, je peux vous dire que je suis amère en pensant à nos hommes politiques qui trompent nos concitoyens. Malgré cela, je leur obéirai parce que je suis convaincue de la pérennité du Japon. J'aime son histoire, ses traditions et la famille impériale. Je ne suis pas un militaire dans l'âme, mais je suis gonflée d'orgueil et de fierté d'avoir été choisie pour défendre notre patrimoine. Je sais qu'Okinawa sera ma tombe et j'attends le moment proche où ma mère va m'accueillir dans son royaume. Je n'ai plus peur de mourir. Je termine ma lettre car un planton vient de nous convoquer au poste de commandement. Nous allons partir en mission. Je vous dédie mon dernier haïku. Puissions-nous mourir comme, au printemps, les fleurs de cerisier, pures et brillantes. Votre fils Teruo. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il faut rappeler que le haïku, dans la littérature japonaise, est un poème extrêmement bref et qui ramasse des émotions de façon intense. Ce sont souvent des intellectuels, ces jeunes gens, adolescents. Oui, une bonne moitié d'entre eux étaient en fait des étudiants de littérature, de droit, de langues étrangères, qui avaient été donc mobilisés dans les forces aériennes. Et qui ont été très souvent en tout cas, convaincus de participer à ces groupes d'attaques spéciales. C'était donc des gens qui avaient certaines qualités littéraires, qui savaient écrire. À l'époque, les étudiants étaient quand même pas très nombreux, hein. Les étudiants en lettres étaient pas très nombreux. C'est des gens qui avaient une bonne formation. Et la propagande s'est très vite aperçue que les lettres qu'ils écrivaient étaient souvent très, très belles. C'était une belle écriture. Ils connaissent tous les grands intellectuels occidentaux, des listes impressionnantes, Kant, Hegel, Platon, Nietzsche, Schiller, Goethe, Marx, etc. Oui, oui, oui. Ils avaient non seulement des références classiques, classiques japonaises ou classiques chinoises, mais aussi des références occidentales, voire... Ils veulent à la fois imiter les réalisations des grandes civilisations de l'Occident et résister à leur hégémonie politique et intellectuelle. Et donc cette propagande militaire a utilisé en quelque sorte les lettres de ces jeunes soldats qui étaient des étudiants pour en quelque sorte magnifier leurs actions et convaincre la population que d'une certaine façon les kamikazes c'était l'avant-garde. Cette jeunesse qui se sacrifiait pour le pays, il allait falloir la limiter dans les semaines et les mois qui viennent, puisque toute la population du Japon allait devoir se battre à mort contre les Américains si les Américains devaient débarquer. Donc d'une certaine façon, ce sont des exemples pour la population. Et l'ensemble de la population était quasiment convaincu par la propagande que la mort était au bout. D'une certaine façon. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. Et on entraînait la population, y compris les femmes, y compris les jeunes garçons, les jeunes enfants, à se battre et avec des pics de bambou contre les chars américains. On était dans une sorte de logique suicidaire de la part de l'Empire japonais qui était prête à sacrifier sa population plutôt que d'accepter la défaite. On est dans une logique un peu folle. Alors on a des phénomènes identiques dans l'Allemagne de 1945, où dans les dernières semaines, on se bat de façon complètement suicidaire contre les troupes soviétiques ou américaines. Dans le cas du Japon, on a un petit peu des phénomènes identiques, sauf que toute la population est mobilisée pour ça. Et les kamikazes, d'une certaine façon, sont une caisse de résonance extraordinaire de la propagande pour convaincre la population de se battre jusqu'au bout. C'est ça, en fait, l'objectif. Parce que, sur le plan militaire, les autorités ont parfaitement compris que les kamikazes n'étaient pas la solution, bien entendu. Alors au début, lors des premières opérations en 1944, on arrive à des taux où les avions japonais touchent environ 25% pour 25% des cibles militaires américaines. Lors de la bataille d'Okinawa, on est donc au printemps 45, on est à des taux qui sont entre 10 et 15% et au mois de juillet, on est à peine à 8%. Ce qui veut dire que donc si on est à 8%, ça veut dire que 92% des avions qui partent sombrent en mer. Les archives que vous évoquez, les lettres, en fait, il y en a deux catégories, celles qui sont officielles qui sont rédigées sous le regard de la hiérarchie militaire et puis d'autres qui sont parfois transmises, cachées dans des livres ou autrement et qui sont plus sincères. En l'occurrence, l'archive, la lettre que nous avons entendue est à la fois très patriotique et en même temps critique les hommes politiques. Peut-être que cela d'ailleurs heurtait moins les militaires que si eux-mêmes avaient été mis en cause. Ce témoignage, en tout cas, critique à la fois la hiérarchie militaire, quand même un petit peu, et surtout les hommes politiques. Ça, c'était à la limite tolérable. Mais il dit quelque part qu'il se bat pour l'empereur, et donc du coup, le témoignage peut passer, sans doute ne pas subir les foudres de la censure. Mais certaines lettres sont passées. Certains pilotes ont réussi à faire passer des lettres à l'extérieur de leur caserne, de leur camp. À leurs parents, par exemple. Et là, on a effectivement, elles sont rares, bien entendu, mais on a des témoignages de gens qui ont un regard extrêmement critique sur ce qui est en train de leur arriver. Et je soupçonne même plusieurs d'entre eux d'être communistes, en réalité. Certains ont un vocabulaire, ils parlent de puissance réactionnaire, en parlant de l'Allemagne et de l'Italie fasciste. Marx et Engels sont derrière leur épaule. Oui. Tout à fait. Mais le marxisme a eu une très grande influence dans les années 1930 dans l'université. Il n'est pas exclu qu'un certain nombre de jeunes étudiants aient lu des textes ou en tout cas aient été influencés par cela. Il faut dire aussi que ceux qui étaient repérés comme étant des éléments de gauche, entre guillemets, étaient envoyés plus rapidement que les autres dans les unités d'attaque spéciale. Vu des États-Unis, c'est assez terrifiant. Et au fond, on ne peut pas se départir de la tentation, puisque nous évoquons dans cette émission, Pierre-François Souéry, d'éventuelles ressemblances entre les djihadistes d'aujourd'hui et les kamikazes d'autrefois. On ne peut pas se départir de la tentation d'évoquer un rapprochement avec les avions qui se sont précipités sur les tours jumelles, les Twin Towers, le 11 septembre 2001. Est-ce que cette ressemblance, vous l'acceptez en dépit de l'effort que vous faites pour marquer la différence ? Non, mais lorsque les avions se sont abattus sur les Twin Towers, dans l'heure qui a suivi, les médias américains ont évoqué Pearl Harbor, donc l'attaque de Pearl Harbor, c'est-à-dire une attaque qui n'avait pas été prévue. Sans déclaration de guerre. Donc un choc que subissait l'Amérique. Et évidemment, le fait que ces avions se jettent sur les tours a rappelé, bien évidemment, le souvenir des kamikazes japonais. Ça, c'est entendu. Mais ces avions qui s'abattent sur les tours sont une chose. Les djihadistes qui tirent sur une foule sur la terrasse de café, c'en est une autre. Là, il n'y a plus du tout... L'image du kamikaze a beaucoup moins de sens, d'une part. D'autre part... Comme on peut le voir dans les témoignages des pilotes japonais, ces pilotes japonais n'attendent rien. Ils n'attendent aucune récompense dans l'au-delà. Ils sont convaincus que leur mort, finalement, ne sert pas à grand-chose. Ils savent que la guerre est perdue. Ils obéissent à des ordres qui leur sont soit donnés directement, soit on les convainc d'accepter parce qu'il y a la pression du groupe, parce qu'il y a... Il y a la propagande, ils sont contraints d'accepter finalement ces missions dont ils savent qu'ils ne reviendront pas. Dans le cas des djihadistes, la chose est différente. D'abord, ils ne se revendiquent pas du tout eux-mêmes comme des kamikazes. Il n'y a aucune référence à l'idéologie japonaise ou à la Seconde Guerre mondiale. Ils se qualifient eux-mêmes comme des martyrs. Donc, si on devait les désigner d'une façon objective, on devrait presque les appeler martyrs. C'est-à-dire témoins en grec. Voilà, exactement. Ce sont des gens qui ne sont pas des soldats d'une armée, à la différence des jeunes pilotes japonais. C'est pourquoi l'expression de Bush et des siens, nous sommes en guerre, paraît si discutable. Et tente à dissimuler la profonde différence entre les kamikazes à proprement parler et les djihadistes d'aujourd'hui. Les pilotes japonais sont des soldats conscrits d'une armée en guerre, qui ont l'impression de défendre leur pays contre une armée d'invasion, et leurs cibles sont des cibles militaires, c'est-à-dire ce sont des soldats qui attaquent d'autres soldats. Ce n'est pas du tout le cas des djihadistes qui sont, comme vous le savez, qui attaquent plutôt des cibles civiles, si possible des armées. Donc on est quand même dans un cas de figure très très différent. Il n'empêche que vu du côté américain, il y a des similitudes de réaction, comme nous le disions il y a un instant. Écoutez donc cet extrait d'un film de propagande américaine qui est due à Frank Capra et Joris Evans, excusez du peu, et qui s'appelait « Sachez reconnaître votre ennemi, le Japon ». C'est un film qui est sorti en 1945, dans les derniers mois de la guerre. Voilà à quoi ressemblent nos ennemis, les Japonais. Un peuple doté d'une armée de 4 millions d'hommes fanatisés, une armée pratiquement intacte. Un peuple qui chaque année peut fournir 1 million de conscrits prêts à mourir plutôt que de se rendre. Un peuple persuadé que nous demanderons grâce parce qu'ils se battront plus longtemps, qu'ils tiendront plus longtemps. Une nation qui a juré de régner sur le monde ou de se suicider. Banzai, Banzai, c'est un cri de vie ou un cri de mort ? C'est plutôt un cri de vie, à vrai dire. Ça signifie tout simplement « vive, viva ». Alors, les Japonais disent « Tennoheika Banzai », c'est-à-dire « vive l'empereur ». C'est ça qu'ils crient en réalité. Alors, « vive l'empereur », c'est évidemment pas du tout « Allah est grand » ou « Allah Akbar », c'est un peu différent quand même. Même si l'empereur est considéré comme un homme divinisé, il n'a pas du tout la figure transcendantale, bien sûr, d'Allah. Vous évoquiez tout à l'heure, Pierre-François Souyri, la propagande entourant les kamikazes. La radio s'en mêle, la presse, le cinéma aussi. Il y a des films dès la période de la guerre au Japon qui présentent les kamikazes de façon extrêmement positive, qui s'en servent pour exalter le patriotisme dans cette période de la fin du drame. Oui, on a petit à petit dans les actualités cinématographiques, puis dans quelques films de fiction qu'ils réussissent à tourner en 1945, on a les éléments d'une sorte de métalangage qui finalement réapparaît à chaque fois. Donc les hommes sont sereins, ils sont pas excités. Ils partent donc pour leur mission en sachant très bien ce qu'ils ont à faire. On les voit monter dans leur cockpit, saluer la foule, souvent des femmes d'ailleurs qui viennent les applaudir, en quelque sorte les saluer plutôt. Avec leurs fleurs de avec cerisier. Des fleurs de cerisier, parce que au moment de la bataille d'Okinawa, on était en pleine floraison des cerisiers au mois d'avril, au Japon. Beauté très fugace. Voilà. C'est la fleur de cerisier est une métaphore, bien sûr, du jeune soldat qui est fauché en quelque sorte au summum de sa vie. Et donc ces avions décollent, on voit les avions qui décollent les uns derrière les autres et puis se fondre dans les nuages. C'est-à-dire que les commentaires disent, à ce moment-là, ils étaient encore vivants, mais ils étaient en train de devenir des dieux. Donc il n'y a absolument aucune image, bien sûr, de violence. Ils se désintègrent, ils disparaissent sur l'image de l'écran, en quelque sorte, au milieu des nuages. Et c'est là-dessus que se terminent tous ces films. Soit de propagande, soit des films d'actualité télévisée, soit des films de fiction. On insiste beaucoup sur le fait que les kamikazes sont comme des dieux, c'est-à-dire qu'ils disparaissent dans le ciel. Aucune, évidemment, allusion au fait que leur mort va être épouvantable, bien entendu, puisqu'ils vont s'écraser sur un bâtiment de guerre américain. Vous imaginez certains l'ont imaginé, d'ailleurs, dans l'après-guerre. La peur, le désespoir, l'horreur que devaient être ces dernières secondes qu'ils ont vécues. Vous parlez de l'après-guerre. Je voudrais que nous attardions un instant sur l'image, le souvenir des kamikazes. À quoi ils ont servi dans les sensibilités japonaises, éventuellement gouvernées par le pouvoir politique ou par le monde des intellectuels. En quoi ils peuvent être utilisés. Il y a un côté Janus, ce côté justement presque poétique, onirique d'un côté, puis l'horreur absolue que rencontre leur destin personnel. Alors on a dans le Japon d'après-guerre les deux traditions en quelque sorte. Ceux qui pensent que ces hommes ont été des héros, qui ont contribué à maintenir le Japon en vie, aussi bizarre que ça puisse paraître, et dont la mémoire doit être saluée, parce qu'ils ont incarné en quelque sorte les forces vives du Japon, et d'autres qui au contraire expliquent que finalement l'état-major a obligé ces jeunes hommes à mourir pour rien, et que d'une certaine façon, selon l'expression japonaise, ils sont morts comme des chiens dans la carlingue de leur avion, et que tout ça n'a aucun sens. Et donc c'est entre ces deux mémoires complètement différentes et opposées que s'est construit finalement le souvenir qu'on a de ces personnages, de ces personnes, de ces héros ou de ces pauvres jeunes hommes morts pour rien. Et on retrouve finalement dans le Japon d'aujourd'hui cette séparation, cette différenciation entre ceux qui estiment que finalement cette guerre que le Japon a menée, bah, il fallait la faire, on n'avait pas le choix et c'était de la gloire de l'armée impériale de l'avoir faite, et ceux qui pensent que c'était une catastrophe absolue. Eh bien, en contrepoint de l'archive que je vous ai fait entendre, Pierre-François Souiri, en commençant, voilà l'interview d'un ancien kamikaze, un de ceux qui a réchappé, Martial, celui-là au contraire, et qui nous dit qu'il ne regrette rien et que la nouvelle génération est incapable, dans son extrême mollesse, de retrouver les vertus guerrières qu'il est fier lui-même d'avoir incarnées. Il s'agit du professeur de littérature, Ryuji Nagatsuka, qui est interrogé par Yves Mourouzi sur France Inter le 2 septembre 1972. Mais après notre retour à la vase, nous avons été complètement vexés. Le chef de notre escadrille nous a accueillis assez gentiment, mais quand même, nous avons été très très vexés et très affolés de n'avoir pas accompli notre mission. Est-ce qu'on a peur ? Ah non, déjà, avant notre décollage, nous n'avions jamais peur. Nous nous sentions que nous sommes déjà dans l'autre monde. Donc. L'engagement dans les kamikazes, c'était un pacte avec la mort ? Oui, exactement, oui. Aujourd'hui au Japon, on sait que vous étiez kamikaze. Oui. Est-ce qu'on a un certain respect pour vous ? Non, malheureusement, hélas, c'est pas ça. Pour la jeunesse, l'histoire de kamikaze s'est en passé trop lointain. Donc, par exemple, je dis à mes étudiants que j'étais ancien kamikaze, mais on me répond toujours, mais monsieur professeur, qu'est-ce que c'est kamikaze ? Bien entendu, j'ai entendu parler cette histoire, mais je ne m'intéresse pas. Pourquoi vous étiez kamikaze ? C'est pas la peine d'être kamikaze. Je vous comprends de votre volonté de défendre la patrie, mais à mon avis, à notre avis, c'est un imbécile. On me dit toujours comme ça. Donc, pour la jeunesse surtout, le kamikaze, ça n'existe plus, même dans l'histoire. Est-il encore possible au Japon en 72 de fabriquer des héros ? Non, je ne crois pas. Déjà, la jeunesse est trop libre. D'ailleurs, Elle ne sait pas respecter la discipline. Même aux Jeux Olympiques, nos compatriotes ont gagné quelques médailles d'or, mais c'est très peu déjà. C'est parce que la jeunesse n'aime pas les entraînements, les sportifs, même sportifs, elle n'aime pas du tout la discipline. Vous regrettez ? Beaucoup, beaucoup. Ah, cette jeunesse, quel déclin, plus rien comme avant, c'est désolant. C'est un refrain qu'on peut trouver dans d'autres pays, dans la bouche d'autres vieillards. Oui, bien sûr, c'est pas une spécificité japonaise. Mais c'est vrai que pour certains qui avaient été, non pas kamikaze comme il le dit lui-même, puisque finalement il n'y est pas allé, il a eu la chance d'en réchapper, parce qu'il est sur l'ordre de partir, tout simplement. Il y a une sorte, chez certains anciens pilotes qui se sont trouvés dans cette situation, une sorte de malaise vis-à-vis de ceux qui ont eu la chance, ou la malchance, plutôt la malchance, de partir les premiers. Le remords d'avoir survécu. Le remords d'avoir survécu, le sentiment, un malaise. Alors après, on peut toujours expliquer que c'est les jeunes d'aujourd'hui ne valent pas les vieux, mais enfin bon. Il y a un tourisme des musées historiques qui est assez révélateur aujourd'hui. D'un côté, Okinawa, qui est un effort pour montrer toute l'horreur de ce qui fut. Il y a Shiran, qui est un recueil de lettres en particulier, qui est plus équilibré, qui se veut équilibré. Et puis, il y a naturellement ce sanctuaire que vous évoquez tout à l'heure, c'est-à-dire Yasukuni, qui porte depuis très longtemps, il a été fondé en 1879, qui porte les valeurs d'un Japon nationaliste, qui explique en particulier qu'il n'a fait la guerre que parce qu'il était assiégé. Alors c'est très intéressant parce que là on a vraiment trois types de mémoires qui s'affrontent d'une certaine façon. Hein. Dans le cas du sanctuaire Yasukuni, qui est un sanctuaire à l'origine officiel, on vénère la mémoire de ceux qui sont tombés pour l'empereur. Y compris les criminels de guerre. Y compris les criminels de guerre qui ont été exécutés par les Américains. Mais par contre, on ne vénère pas la mémoire des populations civiles, par exemple, qui sont mortes sous les bombardements américains, ni bien sûr de celles qui ont été des étrangers, des Chinois, des autres, qui ont été victimes des exactions de l'armée japonaise. Donc c'est une mémoire très très partielle, et dans ce temple qui est aussi un musée, on peut trouver des déclarations, des lettres qui sont à la gloire, bien sûr, des kamikazes qui se sont battus pour leur pays, pour l'empereur, etc. Dans le musée d'Okinawa, c'est encore autre chose, parce que là, on est dans une partie du Japon qui était en fait une semi-colonie. Et la mémoire qui est restée des combats qui ont eu lieu au printemps 45 dans la population d'Okinawa, c'est à la fois l'horreur des bombardements américains, mais aussi l'horreur des exactions commises par l'armée japonaise contre les populations locales, et qui ont parfois été obligées de se suicider contre leur gré, sous la pression des soldats japonais. Donc il y a une sorte de rancœur, de ressentiment contre le Japon, qui est perceptible dans le fait que sont mises en valeur toute l'horreur de la guerre, comme vous le disiez à l'instant. Et puis, alors, on a en quelque sorte la manière intermédiaire de penser les choses dans le musée de Chilan, où là, on a essentiellement des témoignages, des vêtements, des avions, bien sûr, qui sont exposés aussi, beaucoup de lettres que l'on peut lire à travers les vitrines. Et alors là, j'ai visité ce musée il y a très peu de temps. J'étais très surpris de voir une femme d'une quarantaine d'années, qui n'était pas née, bien sûr, au moment des faits, qui littéralement pleurait en lisant les lettres. Donc on voit qu'il y a quand même une sorte la mort de ces jeunes hommes émeut encore la population, alors a fortiori quand on lit leurs témoignages, dont certains sont évidemment forcément un peu émouvants. Et certaines lettres sont, comme je le disais tout à l'heure, sont parfois même assez belles, c'est presque de la poésie. Je me suis levé à 6h du matin pour respirer l'air pur de la montagne. Il sait qu'il va partir dans les heures qui suivent. Et tout ce que je ferai aujourd'hui le sera pour la dernière fois. Donc on voit qu'il y a il y a une émotion en quelque sorte qui peut étreindre le spectateur du musée. Et ça m'avait vraiment bouleversé moi-même à mon tour de voir l'émotion d'un certain nombre de spectateurs dans ce musée. Donc là on a vraiment les trois types de mémoire en quelque sorte de cette période. Qui sont figés en quelque sorte dans le cadre de ces trois musées. Je ne sais pas si on pourrait retrouver ce texte classique qui a souvent été cité. Le joyau brisé, il vaut mieux partir comme un joyau qui se brise que de vivre comme une vulgaire poterie intacte. Là, c'est le versant idéalisé. Oui, le joyau brisé en mille éclats, c'est la métaphore de ces jeunes soldats qui se jettent contre les troupes américaines, soldats d'infanterie aussi, hein, pas simplement les pilotes, et qui donc se sacrifient en quelque sorte pour le pays, alors que tout le monde sait que l'issue de la guerre est déjà scellée. Il me semble que nous aurons démontré, s'il en était besoin, à nos auditeurs, Pierre-François Souéry, que les rapprochements, notamment du côté du langage, entre les djihadistes d'aujourd'hui et les kamikazes d'autrefois, étaient très largement malvenus. Je pense et je crois que il faudrait cesser de qualifier ces djihadistes de kamikazes. Les Japonais sont très furieux du fait que les médias français utilisent cette expression en permanence, et je pense que quelque part il faudrait réfléchir à cela. Vous avez donné ce livre que j'évoquais en commençant avec Constance Sereny, Kamikaze, automne 1944, chez Flammarion. Il faut rendre hommage aussi au livre d'Emiko Onuki Tierney, je pense qu'il s'agit d'une japonaise, Kamikaze, fleurs de cerisier et nationalisme, avec beaucoup de travail sur les lettres, justement. Oui. Paru chez Hermann en 2013. Et puis alors, je voudrais évoquer pour finir cet opus magnum, ce livre important que vous venez de donner dans la prestigieuse Bibliothèque des Histoires, Pierre-François Souéry, qui s'appelle « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui ». Vous en parlerez plus longuement prochainement dans la Fabrique de l'Histoire de notre cher Emmanuel Laurentin, mais dès à présent, je voudrais que vous nous en parliez pour rattacher cela à cette question de la mémoire, justement, la mémoire de la guerre. Le thème général, c'est qu'il y a une modernité japonaise, mais qui, dans son contenu, si je vous ai bien lu, et dans sa temporalité, ne correspond pas à la nôtre. La question étant de savoir comment on peut rattacher l'une et l'autre de ces deux modernités, au profit de quoi et dans quelles conditions ? Ce que j'ai voulu montrer, enfin en quelques secondes, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'il existe une modernité endogène en quelque sorte dans la société japonaise qui n'a pas besoin nécessairement des discours occidentaux pour exister. C'est-à-dire que le processus de modernisation de la société se fait bien sûr par l'importation de technologies occidentales et de discours occidentaux, mais le Japon n'a jamais été aussi chinois que à l'époque de la grande époque de la modernisation, c'est-à-dire à la fin du 19e au début du 20e siècle. L'acquisition en quelque sorte des classiques chinois et le fait que la majorité de la population japonaise à cette époque-là réfléchit dans des catégories intellectuelles chinoises est un élément tout à fait important pour comprendre ce processus de modernisation. Et ça, c'est quelque chose que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Par exemple, le thème de la Constitution est porté bien sûr par un discours politique occidental, bien évidemment. MacArthur, 1945-1946. Mais en même temps, la population japonaise, ou en tout cas une partie de la population japonaise, projette cette idée à partir de concepts d'origine chinoise, d'origine confucianiste pour l'essentiel. Notre égocentrisme a de la peine à comprendre cela. Et on a beaucoup de peine à comprendre que une modernité non occidentale ait pu exister, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Et vous pensez que la difficulté que nous avons souvent à comprendre la spécificité du phénomène des kamikazes dont nous avons parlé ce matin, cette difficulté peut s'éclairer sous la même lumière ? En partie parce que l'une des réactions au discours occidental du point de vue du nationalisme japonais, c'est la mise en avant, bien sûr, de la littérature classique japonaise, qui est utilisée à des fins idéologiques, pour en quelque sorte fortifier la conscience de la nation. Et un grand nombre de kamikazes, enfin de jeunes pilotes plutôt, ont été formés dans cette idéologie-là. Cette idéologie, c'est pas une idéologie réactionnaire en tant que telle, c'est une idéologie qui essaie de comprendre la modernité, elle aussi. D'ailleurs, l'un des grands événements intellectuels qui ont eu lieu dans le Japon des années 41-42, c'est un colloque qui a réuni un grand nombre d'intellectuels japonais qui avait pour thème « Dépasser la modernité ». Et ces intellectuels japonais essayaient de comprendre comment cette guerre que menait le Japon pouvait être une guerre qui dépasse en quelque sorte le phénomène de la modernité, dépasse l'Occident pour inventer de nouvelles valeurs. Alors bien sûr, c'est un échec, ce fut un échec, mais il faut bien comprendre que ces jeunes gens fonctionnaient dans un univers intellectuel qui était à la fois nourri de classiques chinois et japonais et de textes occidentaux. Et c'est cette fusion, en quelque sorte, qui donne cet aspect que nous avons parfois un peu de mal à comprendre parce que nous ne connaissons pas bien sûr, leur système de pensée. Nous n'avons eu certes qu'une heure, mais après tout, nous avons eu tout de même le loisir, Pierre-François Souéry, de donner à mieux comprendre la complexité de ce phénomène et la densité de ces personnages si souvent caricaturés dans la mémoire occidentale en particulier. Merci beaucoup d'avoir été à ce micro. C'est moi qui vous remercie. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, bien sûr, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission pour la méditer à loisir, en français ou en japonais. Samedi prochain, nous nous rapprocherons de chez nous, puisque nous parlerons de l'Allemagne et de l'accueil des autres, à propos bien sûr de la politique qu'a dessinée la chancelière Merkel récemment et qui a tellement frappé dans ces pays voisins au moment de l'arrivée en masse des réfugiés syriens. Et je recevrai pour cela Sandrine Cotte, qui, comme vous, Pierre-François Souéry, enseigne à l'Université de Genève. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux et avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Véronique Villa. Le générique était de Patrick Molinier, le générique que nous retrouvons chaque semaine. Il y avait Alexandre Dang à la prise de son et Nathalie Rouvillain à la discothèque, tandis que du côté des archives INA, nous avons profité de la compétence de Sandra Escamez. Quelques instants, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.